salam. Au quartier ça craint. Mais je n'aime pas dramatiser. Je n'aime que traumatiser. Voilà, et encore pire que la PST. Toujours une envie d'acheter. C'est le pire qui vient du continent. Moi j'ai la racaille en prison. On va la piquer dans tous les bâtiments. Patrouille, traque, quadruple, OD, guetteur en stun. Difficile de faire son genre. Surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions. Tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les shows. Qui s'amusent à désorienter le petit frère du ghetto. Nous on investit au double. L'Amérique c'est pour les autres. Malade, malade. Malade, malade. C'est trop la guerre de ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade. Malade, malade. C'est trop la guerre de ma tête pour vous passer le salam. Mac Taylor, tout se paye à l'instant. La net rap. 100% rap français. Extrait du projet de Corias, ex-dissident, avec Zesso également dessus. C'est ce qu'on écoute maintenant dans la nocturne 100% rap français. C'est un jour pas comme les autres, comme l'a inspiré mon autre. Ça saute aux yeux, t'es un porc, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Rêve de gloire, d'avenir entre autres, de régler les problèmes en trop. Avant de finir dans le trou, je préfère kiffer mon crew. Je dédicace ça à tous mes complices. Et plus je croise des doigts pour qu'un jour mon rêve s'accomplisse. Je pratique cet art depuis l'adolescence, faut qu'on m'explique comment pourrais-je jeter mon putain d'art au fond d'un puits. Tu sais, la vie c'est ça, y'a des hauts, y'a des bas. Faut faire avec, tu sais, parfois elle ne laisse pas de choix. À chacun son signe, à chacun sa chance. J'espère que chacun prendra sa route sur chemin comme une évidence. Appelle-moi Corias, appelle-moi Fiasco. Peut-être parce que dans un sens, le bilan de ma vie est un fiasco. Encore un petit pas, encore un petit peu. J'avance dans ce monde, tu sais, c'est ta patine, ta porte un peu. Ici, la route est longue et courte, et la vie des rêves. J'ai tellement peu d'espoir, parfois je me meurs dans mes rêves. Écoute celui qui dit qu'en fait, cette vie n'est qu'un défi. Écoute celui qui dit chaque jour, putain d'être indécis. Ici, la route est longue et courte. C'est la vie des rêves. J'ai tellement peu d'espoir. Parfois je me noie dans mes rêves. Écoute celui qui dit qu'en fait cette vie n'est qu'un défi. Écoute celui qui dit chaque jour plus temps d'être indécis. Écoute tes anciens, les gens bien. La merde ramène à la merde. M'en parle pas, j'en viens. Pour ceux qui font partie de ces gens blessés. La vie petit à petit t'apprends à encaisser. Avancer sans t'affaisser. Trapaisser chaque fois qu'on se croyait au bout. Bah ça n'a pas cessé. Les années passées, rien d'effacé. Chaque visage est une histoire. Donc tu lis nos tracés. Compréhensible que sans repère t'es rêvé de brasser. On s'accroche à quelque chose sans sortir ou rester coincé. Écoute, je te déconseille le doute. Ou d'écouter les gens qui ne s'aiment plus le mal sur leur route. Survivre angoissé. Tu croyais que le destin tire à la poisse. Tu fais superstitieux quand t'es dans une impasse. Regarde l'état est super vicieux. Comme si t'étais en mission. Moi je suis réaliste, je suis plus ambitieux. Ici la route est longue et courte et la vie des rêves. J'ai tellement peu d'espoir, parfois je me noie dans mes rêves. Écoute celui qui dit qu'en fait cette vie n'est qu'un défi. Écoute celui qui dit chaque jour plus temps d'être indécis. Ici la route est longue et courte et la vie des rêves. J'ai tellement peu d'espoir, parfois je me noie dans mes rêves. Écoute celui qui dit qu'en fait cette vie n'est qu'un défi. Écoute celui qui dit chaque jour plus temps d'être indécis. Ici la route est longue et courte et la vie des rêves. Écoute, c'est la vie des rêves. Écoute celui qui dit qu'en fait cette vie n'est qu'un défi. Cette vie n'est qu'un défi. Si la route est longue et courte, c'est la vie des rêves. Écoute, c'est la vie des rêves. Écoute celui qui dit qu'en fait cette vie n'est qu'un défi. Cette vie n'est qu'un défi. Rap français 100% explicite lyrics. Black Brut, Gradure, Cozy, SMS Remix maintenant. Il est ermite, 240

100% explicite lyrics. La nocturne. Tête dans les toilettes, bite grosse comme une canette. L'état te brise la chenèque, à chaque paquet de cigarettes. Grosse glace dans l'armoire, rien qui me fend la poire. Tes gars portent des signes homosexuels ostentatoires. Je te paye en liquide, salope, dis-moi pourquoi faire un putain de pourboire. Je suis togolais, allô, mais je fais mes études à Poudlard. Ta mère la chien, ton père la chien. C'est en se branlant qu'on perd la main. Sors le machin, sors pas le truc. T'es une jevière, donc parle huc. J'ai trouvé cette mexicaine, j'en ai perdu mon latin. L'avenir appartient à ce qu'ils vont quebra de bon matin. Tu peux me juger, mais y'a qu'au succès que je suis condamné. Les poches pleines si je t'aperçois, gros, je suis Gilbert Montagné. Faut que j'ouvre des business avec tous les pays frontaliers. Les négros se croient chauds, vont crever de combustion spontanée. Monnaie, chiffre, monnaie, monnaie, monnaie, chiffre. Cherche, putain, c'est collé, échappe, comme est chiffre. On veut brasser comme les négros, d'espoir collectif. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. Miley Cyrus. Bonjour aux messieurs, 4 tonnes 5 sur les yeux. Ferme ton cas, vu ou fais mieux. J'baisse ta grosse timbre sous tes yeux. Totalement en caïra pour mes mauvais garçons, mes mauvaises garces. Tous les jours je pense argent, placement, paradis fiscaux, monégasque. Oui, la France est une terre d'accueil. Époque brésilienne, arme russe. J'veux du bif, ferme ta gueule. La chatte à Miley Cyrus. Une blague à la place du mort, une brune, une blonde là sur l'arrière-banquette. On ne sert que des avions de chasse. La grosse chatte à Kate Blanchette. Ces négros parlent, mais ces négros ne pèsent rien. J'fais de la piraterie de haute voltige sur le réseau Hertz. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même débit. 45 Orleans MTP, folie furieuse à la ODP. J'les préfère quand elles assument leur côté bitches. Quand elles ont les seufs qui tapent sur mes abdos, comme s'ils avaient fait des bêtises. Beaucoup, beaucoup trop de basse, beaucoup, beaucoup trop de promo. Pèse le rap comme une casque à base de gros coups, no homo. Monnaie, chiffre, monnaie, monnaie, monnaie, chiffre. Cherche, putasse, c'est collé, échappe, comme estime. On veut brasser comme les négros, d'espoir collectif. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. Miley Cyrus. C'est la nocturne 100% rap français avec Joe qui est dossé dans la nocturne. Miley, c'est le nom de ce morceau qu'on écoutait, vos messages 41759. Black Vénère est de retour avec Unreal et Timora, c'est ce qu'on va écouter maintenant. Touch the Sky sur Skyrock. Et puis il y aura Juicy P aussi de LMC Click à écouter. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Yeah! Unreal! Black Vénère! Touch the Sky! J'ai commencé à rapper dans les caves, braillé sur le mic, raconter ma life, c'est dans les rues que se vendait ma cam. Dans mes chansons, je voulais représenter ma rue, parler de mon quartier, être connu comme les chanteurs connus. J'ai pris des claques et des baffes comme mon père m'entend eu. Pour la première fois, c'est dit ça y est, mon fils est un bandit. Voyez des clips à la télé avec des flingues et des chats. Je lui ai dit papa, moi je vis seulement les liasses et les chasses. Je suis toujours dans le hood, les statistiques que je crèche. Même si mon place pousse, je suis toujours autant dans la dèche. Pourtant je m'amuse moi, je rappe pour l'amusement. Kick durant 12 mois, non-stop jusqu'à épuisement. Le rap est ma maison, donc fais attention. J'ai remplacé les murs du son par celles des lamentations. La stick pour moi c'est un jeu avec un enjeu. Mon rap est propre et rage, je ne mélange pas les linges. I try to find my way but far. They jump in my day. lungs, I'm a fiend, get a Dutch roll cream with burnt thumbs, play the streets, earn one, smart plans to turn dumb, but all that had to change when I had my first son, second one came, learned lessons of shame, had to grow, nowhere for directing the blame, I rest in the rain, express through the game, true feelings for cool millions, I'm destined for fame. Watch your friends, they'll try to blast at you, throw black bags at you, scheme and backstab you, try to steal your money or honey and laugh at you, don't work, say sorry and try to act natural, man. I'd have been through the fire, feeling like Kanye West, I'm speaking through the wire, can't deny me what I wanna come get, can't hold me down, I push it up, lift. So I try to find my way, but why they don't get my days alive, gets me through my pain and I'm trying to touch the sky, all the hurt and the pain inside, find shelter from the rain. J'ai commencé à rap pour le kiff, pas pour le bif, rosé pour mes diffs. À chaque rime, cherche à faire la diff. J'ai toujours posé avec le cœur, même s'il n'y était pas. Toujours croqué le beat, même s'il n'y avait que des miettes dans mes plats. Sans cesse, et ceux qui ont voulu me test, au microphone trop fort, mon flow les a blessés. Mes premières rimes, je les ai posées dans des caves. Nettoyé plus d'une oreille et fait des MC mes cadavres. Yes! I really want the cash and the checks, cars and the clothes, car full of hoes, jaws full of dro to get harder to blow, so I switch to the liquor when I party at shows, but all that really ain't priorities no more, I invest what you spend on Bacardi and Mo, trying to make these fake niggas fold, but Lord Bailey judge my soul through these gates out of gold. So I try to find my way, but why, they don't get my français. 100% explicite lyrics. La nocturne. On fait cette maille, on fait cette maille. Ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. Enfin bon sortir de gun, si tu sais que tu vas pas tirer. Pourquoi vendre de la drogue, si c'est pas pour quitter le quartier. Qui quitte pas mon égo, pas deux, pas deux. On arrive, on les classe en deux, en deux. Ma clique est trop foulée, on remplit 100-402. Ces négros sont des chats, on va forniquer fort que soumis. Soumis, je suis prêt à tout pour l'y aimer. Vendre la coupe que Johnny, Johnny. Alité, everyday, holiday. Je me fais sucer, alité. J'aurais pas me faire alité. De vivre sans faire cette maille, ma gueule. Obligé de bouger pour ma gueule. Drogue, sexe, violence, rap et gueule. Le 15 coups se porte, mon gars, nous c'est avec bon. Comme chez Garant sur le beat. Bois les couilles de Chicago dans le 9-1 de beat. Ça débite, bah ouais ça débite. T'en suce pas des beats. Mon goût juicy et d'acheter un beat. De

Smith comme dans Breaking Bad. X ne joue pas Fox Game de Deb. X c'est de la pure t'as la Walter White. X dans le rap vient foutre sa caille. X dans le sale dans le son ça le fait. X dans la vie dans la street c'est ton vrai. X dans la ville c'est le prince tu le sais. X les gros foncés aussi c'est français. X c'est MC sont contrefaits. X le douanier je vais le contrôler. X validé par les grands de ta tête. X se trouve perce comme une balle dans la tête. X c'est la cause de tous ces zombies. X dans le bex un viscéral en clé. X c'est dangereux. X ça me la stupe. Tout que paye le brave on ne part comme des mafieux. Mon vieux on partira pas sans faire la guerre. Pour l'instant pas le mono pas la poche. X pour le torse, marche droit, le succès et la corde pour faire monter toute ma horde. Face à ses porcs, douter ses morts. X vient du futur comme Terminator. X, qui a eu tort? C'est plus de vaches, mais de coups de marche de tort. Qu'on va leur mettre à tous ceux qui ont fermé les portes. Fermé les portes, X a le mort. Plop, plop, plop, de la couleur de la paix. Fais ce que t'as à faire pour la garder. Avant ma crève armée, je vais les cramer. Le rap, ça va s'alarmer. Mais X a de l'école du crime, diplômé. Diplômé, diplômé, diplômé. C'est le X dans la tête. Dans la caisse, le X qui t'agresse comme ce qu'a me trompé cesse. Le X charonneur, plus dans la haisse. Le X la zone est, tu connais la presse. Le X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking. Tout pour la mise comme dans Breaking. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. On te sourit trop. De quel côté vient un coup d'or? Quel pote pas ta faute à fumer? Qui te tend la main pour t'enculer? Mais X dans la banlieue, je t'énervais. Submergé par les ténèbres, ils pourront plus se cacher. Hein? De quoi il parle? De quoi il parle? Lui, allez, ferme ta gueule. C'est nous qu'on la vit. Ferme ta gueule. C'est nous qu'on la vit. Street X à 15 piges. Touche au premier clock. X à 30 piges. Fini dans le box. X n'a jetane. Pousse nos fronts sol. Pousse nos fronts sol. Ils ont pleuré ton décès. Pleuré ton décès. Le terrain doit tourner. On t'a fait remplacer. Street réalité. Triste pour les madés. Personne n'est épargné. Sous de l'or c'est cramé. Remettre à la santé. Libérer les X. Fleuriboada. Libérer les X. Vous passez la terre. Libérer les X. Après les amours. Libérer les X. C'est le X dans la tête. Tu X dans la caisse. Le X qui t'agresse comme ce qu'a me trompé cesse. Le X charbonneur. Plus dans la haisse. Le X la zone R. Tu connais la presse. C'est le X. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking. Tout pour la mise comme dans Breaking. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Tout pour la mise comme dans Breaking Bad. Prends ça la prends, ça la prends, je donne un X. Prends ça la prends, ça la prends, laisse dans le son X. Prince à la proie, c'est la proie, tu pour les X. Prince à la proie, c'est la proie, libérez les X, libérez les X, libérez les X.